Livre 11e, chapitre 1er. Le petit soulier. Au moment où les truands avaient assailli l'église, la Esmeralda dormait. Bientôt la rumeur toujours croissante autour de l'édifice et le bêlement inquiet de sa chèvre, éveillée avant elle, l'avaient tirée de ce sommeil. Elle s'était levée sur son séant, elle avait écouté, elle avait regardé, puis, effrayée de la lueur et du bruit, elle s'était jetée hors de la cellule et avait été voir. L'aspect de la place, la vision qui s'y agitait, le désordre de cet assaut nocturne, cette foule hideuse sautelant comme une nuée de grenouilles à demi entrevue dans les ténèbres, le coassement de cette roque multitude, ces quelques torches rouges courant et se croisant sur cette ombre, comme les feux de nuit qui rayent la surface brumeuse des marées, toute cette scène lui fit l'effet d'une mystérieuse bataille engagée entre les fantômes du sabbat et les monstres de pierre de l'église. Imbue dès l'enfance des superstitions de la tribu bohémienne, sa première pensée fut qu'elle avait surpris en maléfice les étranges êtres propres à la nuit. Alors, elle courut épouvantée se tapir dans sa cellule, demandant à son grabat un moins horrible cauchemar. Peu à peu, les premières fumées de la peur s'étaient pourtant dissipées. Au bruit sans cesse grandissant et à plusieurs autres signes de réalité, elle s'était sentie investie, non de spectres, mais d'êtres humains. Alors sa frayeur, sans s'accroître, s'était transformée. Elle avait songé à la possibilité d'une mutinerie populaire pour l'arracher à son asile. L'idée de reperdre encore une fois la vie, Phébus, qu'elle entrevoyait toujours dans son avenir, le profond néant de sa faiblesse, toute fuite fermée, aucun appui, son abandon, son isolement, ses pensées et mille autres l'avaient accablée. Elle était tombée à genoux, la tête sur son lit, les mains jointes sur sa tête, pleine d'anxiété et de frémissements. Et quoique égyptienne, idolâtre et païenne, elle s'était mise à demander avec sanglots grâce au bon Dieu chrétien et à prier Notre-Dame, son hôtesse. Car, ne crût-on à rien, il y a des moments dans la vie où l'on est toujours de la religion du temple qu'on a sous la main. Elle resta ainsi prosternée fort longtemps, tremblant à la vérité plus qu'elle ne priait, glacée au souffle de plus en plus rapproché de cette multitude furieuse, ne comprenant rien à ce déchaînement, ignorant ce qui se tramait, ce qu'on faisait, ce qu'on voulait, mais pressentant une issue terrible. Voilà qu'au milieu de cette angoisse, elle entend marcher près d'elle. Elle se détourne. Deux hommes, dont l'un portait une lanterne, venaient d'entrer dans sa cellule. Elle poussa un faible cri. « Ne craignez rien, » dit une voix qui ne lui était pas inconnue. « C'est moi. »« Qui, vous ? » demanda-t-elle. « Pierre Gringoire. » Ce nom la rassura. Elle releva les yeux et reconnut en effet le poète. Mais il y avait auprès de lui une figure noire et voilée de la tête aux pieds qui la frappa de silence. « Ah !» reprit Gringoire d'un ton de reproche. « Djali m'avait reconnu avant vous. » La petite chèvre, en effet, n'avait pas attendu que Gringoire se nommât. À peine était-il entré, qu'elle s'était tendrement frottée à ses genoux, couvrant le poète de caresses et de poils blancs, car elle était en mue. Gringoire lui rendait les caresses. « Qui est là avec vous ? » dit l'Égyptienne à voix basse. « Soyez tranquille. » répondit Gringoire. « C'est un de mes amis. » Alors le philosophe, posant sa lanterne à terre, s'accroupit sur la dalle et s'écria avec enthousiasme en serrant Djali dans ses bras. « Oh, c'est une gracieuse bête, sans doute plus considérable pour sa propreté que pour sa grandeur, mais ingénieuse, subtile et lettrée comme un grammairien. Voyons, ma Djali, n'as-tu rien oublié de tes jolis tours ? Comment fait, maître Charmolue ? » L'homme noir ne le laissa pas achever. Il s'approcha de Gringoire et le poussa rudement par l'épaule. Gringoire se leva. « C'est vrai, dit-il, j'oubliais que nous sommes pressés. Ce n'est pourtant point une raison, mon maître, pour forcener les gens de la sorte. Ma chère belle enfant, votre vie est en danger, et celle de Djali. On veut vous reprendre, nous sommes vos amis, et nous venons vous sauver. Suivez-nous. Est-il vrai ? S'écria-t-elle bouleversée. Oui, très vrai. Venez vite. Je le veux bien, balbutia-t-elle. Mais pourquoi votre ami ne parle-t-il pas ? Ah, dit Gringoire, c'est que son père et sa mère étaient des gens fantasques qui l'ont fait de tempérament taciturne. Il fallut qu'elle se contentât de cette explication. Gringoire la prit par la main, son compagnon ramassa sa lanterne et marcha devant. La peur étourdissait la jeune fille. Elle se laissa emmener. La chèvre les suivait en sautant, si joyeuse de revoir Gringoire qu'elle le faisait trébucher à tout moment pour lui fourrer ses cornes dans les jambes. « Voilà la vie, disait le philosophe chaque fois qu'il manquait de tomber. Ce sont souvent nos meilleurs amis qui nous font choir. » Ils descendirent rapidement l'escalier des tours, traversèrent l'église pleine de ténèbres et de solitude, et toute résonnante de vacarme, ce qui faisait un affreux contraste, et sortirent dans la cour du cloître par la porte rouge. Le cloître était abandonné, les chanoines s'étaient enfuis dans l'évêché pour y prier en commun. La cour était vide, quelques laquais effarouchés s'y blottissaient dans les coins obscurs. Ils se dirigèrent vers la petite porte qui donnait de cette cour sur le terrain. L'homme noir l'ouvrit avec une clé qu'il avait. Nos lecteurs savent que le terrain était une langue de terre enclose de murs du côté de la cité et appartenant au chapitre de Notre-Dame qui terminait l'île à l'Orient derrière l'église. Ils trouvèrent cet enclos parfaitement désert. Là, il y avait déjà moins de tumulte dans l'air. La rumeur de l'assaut des truands leur arrivait plus brouillée et moins criarde. Le vent frais qui suit le fil de l'eau remuait les feuilles de l'arbre unique planté à la pointe du terrain avec un bruit déjà appréciable. Cependant, ils étaient encore fort près du péril. Les édifices les plus rapprochés d'eux étaient l'évêché et l'église. Il y avait visiblement un grand désordre intérieur dans l'évêché. Sa masse ténébreuse était toute sillonnée de lumière qui y courait d'une fenêtre à l'autre. Comme lorsqu'on vient de brûler du papier, il reste un sombre édifice de cendres où de vives étincelles font mille courses bizarres. À côté, les énormes tours de Notre-Dame, ainsi vues de derrière, avec la longue nef sur laquelle elle se dresse, découpée en noir sur la rouge et vaste lueur qui emplissait le parvis, ressemblait à deux chenets gigantesques d'un feu de cyclope. Ce qu'on voyait de Paris de tous côtés oscillait à l'œil dans une ombre mêlée de lumière. Rembrandt a de ses fonds de tableau. L'homme à la lanterne marcha droit à la pointe du terrain. Il y avait là, au bord extrême de l'eau, le débris vermoulu d'une haie de pieux maillée de lattes, où une basse vigne accrochait quelques maigres branches étendues comme les doigts d'une main ouverte. Derrière, dans l'ombre que faisait ce treillis, une petite barque était cachée. L'homme fit signe à Gringoire et à sa compagne d'y entrer. La chèvre les y suivit. L'homme y descendit le dernier. Puis il coupa l'amarre du bateau, l'éloigna de terre avec un long croc et, saisissant deux rames, s'assit à l'avant en ramant de toutes ses forces vers le large. La scène est fort rapide en cet endroit et il eut assez de peine à quitter la pointe de l'île. Le premier soin de Gringoire en entrant dans le bateau fut de mettre la chèvre sur ses genoux. Il prit place à l'arrière, et la jeune fille à qui l'inconnu inspirait une inquiétude indéfinissable vint s'asseoir et se serrer contre le poète. Quand notre philosophe sentit le bateau s'ébranler, il battit des mains et baisa Djali entre les cornes. « Oh ! Dit-il, nous voilà sauvés tous quatre !» Il ajouta avec une mine de profond penseur, on est obligé quelquefois à la fortune, quelquefois à la ruse, de l'heureuse issue des grandes entreprises. Le bateau voguait lentement vers la rive droite. La jeune fille observait avec une terreur secrète l'inconnu. il avait rebouché soigneusement la lumière de sa lanterne sourde. On l'entrevoyait dans l'obscurité à l'avant du bateau comme un spectre. Sa carapoue toujours baissée lui faisait une sorte de masque et à chaque fois qu'il l'entrouvrait, en ramant ses bras où pendaient de larges manches noires, on eût dit deux grandes ailes de chauve-souris. Du reste, il n'avait pas encore dit une parole, jeté un souffle. Il ne se faisait dans le bateau d'autre bruit que le va-et-vient de la rame, mêlé au froissement des mille plis de l'eau le long de la barque. « Sur mon âme !» s'écria tout à coup Gringoire. « Nous sommes allègres et joyeux comme des ascalaphes. Nous observons un silence de pythagoriciens ou de poissons. Pas que Dieu, mes amis, je voudrais bien que quelqu'un me parlât. La voix humaine est une musique à l'oreille. » « Ce n'est pas moi qui dis cela, mais Didyme d'Alexandrie. Et ce sont d'illustres paroles. Certes, Didyme d'Alexandrie n'est pas un médiocre philosophe. Une parole, ma belle enfant. Dites-moi, je vous supplie, une parole. À propos, vous aviez une drôle de petite singulière moue. La faites-vous toujours? Savez-vous, mamie, que le Parlement a toute juridiction sur les lieux d'asile et que vous courez grand péril dans votre logette de Notre-Dame? Hélas, le petit oiseau Trochilus fait son nid dans la gueule du crocodile. Maître, voici la lune qui reparaît, pourvu qu'on ne nous aperçoive pas. Nous faisons une chose louable en sauvant mademoiselle, et cependant, on nous pendrait de par le roi si l'on nous attrapait. Hélas, les actions humaines se prennent par deux anses. On flétrit en moi ce qu'on couronne en toi. Tel admire César, qui blâme Catilina. N'est-ce pas mon maître? Que dites-vous de cette philosophie? Moi, je possède la philosophie d'instinct de nature, ut apes geometriam. Allons, personne ne me répond? Les fâcheuses humeurs que vous avez là, tous les deux. Il faut que je parle tout seul. C'est ce que nous appelons en tragédie un monologue, pas que Dieu. Je vous préviens que je viens de voir le roi Louis XIe et que j'en ai retenu ce jurement. Pas que Dieu, donc. Ils font toujours un fier hurlement dans la cité. C'est un vilain méchant vieux roi. Il est tout embrunché dans les fourrures. Il me doit toujours l'argent de mon épithalame. Et c'est tout au plus s'il ne m'a pas fait pendre ce soir. Ce qui m'aurait fort empêché. Il est avaricieux pour les hommes de mérite. Il devrait bien lire les quatre évangiles de Salvien de Cologne, Adversus Avaritiam. En vérité, c'est un roi étroit dans ses façons avec les gens de lettres et qui fait des cruautés fort barbares. C'est une éponge à prendre l'argent posé sur le peuple. Son épargne est la ratelle qui s'enfle de la maigreur de tous les autres membres. Aussi, les plaintes contre la rigueur du temps deviennent murmures contre le prince. Sous ce doux cire dévot, les fourches craquent de pendus, les billots pourrissent de sang, les prisons crèvent comme des ventres trop pleins. Ce roi a une main qui prend et une main qui pend. C'est le procureur de Dame Gabelle et de Monseigneur Gibé. Les grands sont dépouillés de leur dignité et les petits sans cesse accablés de nouvelles foules. C'est un prince exorbitant. Je n'aime pas ce monarque. Et vous, mon maître ? L'homme noir laissait gloser le bavard poète. Il continuait de lutter contre le courant violent et serré qui sépare la poupe de la cité de la proue de l'île Notre-Dame, que nous nommons aujourd'hui l'île Saint-Louis. « À propos, maître, reprit Gringoire subitement, au moment où nous arrivions sur le parvis à travers ces enragés truands, votre révérence a-t-elle remarqué ce pauvre petit diable auquel votre sourd était en train d'écraser la cervelle sur la rampe de la galerie des rois? J'ai la vue basse, et je ne l'ai pu reconnaître. Savez-vous qui ce peut être ? » L'inconnu ne répondit pas une parole, mais il cessa brusquement de ramer. Ses bras défaillirent comme brisés, sa tête tomba sur sa poitrine, et la Esmeralda l'entendit soupirer convulsivement. Elle tressaillit de son côté. Elle avait déjà entendu de ces soupirs-là. La barque abandonnée à elle-même dériva quelques instants au gré de l'eau. Mais l'homme noir se redressa enfin, ressaisit les rames et se remit à remonter le courant. Il doubla la pointe de l'île Notre-Dame, et se dirigea vers le débarcadère du pont au foin. « Ah ! » dit Gringoire, « voilà là-bas le logis Barbeau. Tenez, maître, regardez, ce groupe de toits noirs qui font des angles singuliers. Là, au-dessus de ce tas de nuages bas, filandreux, barbouillé et sale, où la lune est toute écrasée et répandue, comme un jaune d'œuf dont la coquille est cassée. C'est un beau logis. Il y a une chapelle couronnée d'une petite voûte, pleine d'enrichissements bien coupés. Au-dessus, vous pouvez voir le clocher, très délicatement percé. Il y a aussi un jardin plaisant, qui consiste en un étang, une volière, un écho, un mail, un labyrinthe, une maison pour les bêtes farouches et quantité d'allées touffues fort agréables à Vénus. Il y a encore un coquin d'arbre qu'on appelle le luxurieux pour avoir servi au plaisir d'une princesse fameuse et d'un connétable de France galant et bel esprit. Hélas, nous autres pauvres philosophes, nous sommes à un connétable, ce qu'un carré de choux et de radis est au jardin du Louvre. Oh, qu'importe après tout, la vie humaine pour les grands comme pour nous est mêlée de bien et de mal. La douleur est toujours à côté de la joie, le spondée auprès du dactyle. Mon maître, il faut que je vous conte cette histoire du logis Barbeau. Cela finit d'une façon tragique. C'était en 1319, sous le règne de Philippe IV, le plus long des rois de France. La moralité de l'histoire est que les tentations de la chair sont pernicieuses et malignes. N'appuyons pas trop le regard sur la femme du voisin, si chatouilleux que nos sens soient à sa beauté. La fornication est une pensée fort libertine. L'adultère est une curiosité de la volupté d'autrui. Ohé ! Voilà que le bruit redouble là-bas. Le tumulte, en effet, croissait autour de Notre-Dame. Ils écoutèrent. On entendait assez clairement des cris de victoire. Tout à coup, 100 flambeaux qui faisaient étinceler des casques d'hommes d'armes se répandirent sur l'église à toutes les hauteurs, sur les tours, sur les galeries, sous les arcs-boutants. Ces flambeaux semblaient chercher quelque chose, et bientôt ces clameurs éloignées arrivèrent distinctement jusqu'aux fugitifs. « L'Égyptienne, la sorcière, à mort l'Égyptienne !» La malheureuse laissa tomber sa tête sur ses mains, et l'inconnue se mit à ramer avec furie vers le bord. Cependant, notre philosophe réfléchissait. Il pressait la chèvre dans ses bras et s'éloignait tout doucement de la bohémienne, qui se serrait de plus en plus contre lui, comme au seul asile qui lui resta. Il est certain que Gringoire était dans une cruelle perplexité. Il songeait que la chèvre aussi, d'après la législation existante, serait pendue si elle était reprise, que ce serait grand dommage. La pauvre Djali, qu'il avait trop de deux condamnés ainsi accrochés après lui, qu'enfin son compagnon ne demandait pas mieux que de se charger de l'Égyptienne. Il se livrait entre ses pensées un violent combat dans lequel, comme le Jupiter de l'Iliade, il pesait tour à tour l'Égyptienne et la chèvre. Et il les regardait, l'une après l'autre, avec des yeux humides de larmes, en disant entre ses dents « Je ne puis pas pourtant vous sauver toutes deux !» Une secousse les avertit enfin que le bateau abordait. Le brouhaha sinistre remplissait toujours la cité. L'inconnu se leva, vint à l'Égyptienne et voulut lui prendre le bras pour l'aider à descendre. Elle le repoussa et se pendit à la manche de Gringoire, qui, de son côté, occupé de la chèvre, la repoussa presque. Alors elle sauta seule à bas du bateau. Elle était si troublée qu'elle ne savait ce qu'elle faisait, où elle allait. Elle demeura ainsi un moment stupéfaite, regardant couler l'eau. Quand elle revint un peu à elle, elle était seule sur le port avec l'inconnu. Il paraît que Gringoire avait profité de l'instant du débarquement pour s'esquiver avec la chèvre dans le pâté de maison de la rue Grenier-sur-l'Eau. La pauvre Égyptienne frissonna de se voir seule avec cet homme. Elle voulut parler, crier, appeler Gringoire. Sa langue était inerte dans sa bouche et aucun son ne sortit de ses lèvres. Tout à coup, elle sentit la main de l'inconnu sur la sienne. C'était une main froide et forte. Ses dents claquèrent. Elle devint plus pâle que le rayon de lune qui l'éclairait. L'homme ne dit pas une parole. Il se mit à remonter à grands pas vers la place de grève, en la tenant par la main. En cet instant, elle sentit vaguement que la destinée est une force irrésistible. Elle n'avait plus de ressort. Elle se laissa entraîner, courant tandis qu'il marchait. Le quai en cet endroit allait en montant. Il lui semblait cependant qu'elle descendait une pente. Elle regarda de tous côtés, pas un passant. Le quai était absolument désert. Elle n'entendait de bruit, elle ne sentait remuer des hommes que dans la cité tumultueuse et rougeoyante dont elle n'était séparée que par un bras de Seine et d'où son nom lui arrivait mêlé à des cris de mort. Le reste de Paris était répandu autour d'elle par grands blocs d'ombre. Cependant, l'inconnu l'entraînait toujours avec le même silence et la même rapidité. Elle ne retrouvait dans sa mémoire aucun des lieux où elle marchait. En passant devant une fenêtre éclairée, elle fit un effort, se raidit brusquement et cria « Au secours !» Le bourgeois à qui était la fenêtre l'ouvrit, y parut en chemise avec sa lampe, regarda sur le quai avec un air hébété, prononça quelques paroles qu'elle n'entendit pas et referma son volet. C'était la dernière lueur d'espoir qui s'éteignait. L'homme noir ne proféra pas une syllabe. Il la tenait bien et se remit à marcher plus vite. Elle ne résista plus et le suivit, brisée. De temps en temps, elle recueillait un peu de force et disait d'une voix entrecoupée par les cahots du pavé et les soufflements de la course « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? » Il ne répondait point. Ils arrivèrent ainsi, toujours le long du quai, à une place assez grande. Il y avait un peu de lune. C'était la grève. On y distinguait au milieu une espèce de croix noire debout. C'était le gibet. Elle reconnut tout cela et vit où elle était. L'homme s'arrêta, se tourna vers elle et leva sa carapoue. « Oh ! » bégaya-t-elle pétrifiée. « Je savais bien que c'était encore lui. » C'était le prêtre. Il avait l'air de son fantôme. C'est un effet du clair de lune. Il semble qu'à cette lumière, on ne voit que les spectres des choses. « Écoute, lui dit-il, et elle frémit au son de cette voix funeste qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. Il continua. Il articulait avec ses saccades brèves et haletantes qui révèlent par leurs secousses de profonds tremblements intérieurs. « Écoute, nous sommes ici, je vais te parler. Ceci est la grève, c'est ici un point extrême. La destinée nous livre l'un à l'autre. Je vais décider de ta vie, toi, de mon âme. Voici une place et une nuit au-delà desquelles on ne voit rien. Écoute-moi donc, je vais te dire. D'abord ne me parle pas de ton Phébus. » En disant cela, il allait et venait comme un homme qui ne peut rester en place et la tirait après lui. « Ne m'en parle pas, vois-tu, si tu prononces ce nom, je ne sais pas ce que je ferai. Mais ce sera terrible. » Cela dit, comme un corps qui retrouve son centre de gravité, il redevint immobile. Mais ses paroles ne décelaient pas moins d'agitation. Sa voix était de plus en plus basse. « Ne détourne point la tête ainsi. Écoute-moi, c'est une affaire sérieuse. D'abord, voici ce qui s'est passé. On ne rira pas de tout ceci, je te jure. Qu'est-ce donc que je disais ? Rappelle-le-moi. Ah ! Il y a un arrêt du Parlement qui te rend à l'échafaud. Je viens de te tirer de leurs mains. Mais les voilà qui te poursuivent, regarde. » Il étendit le bras vers la cité. Les perquisitions, en effet, paraissaient y continuer. Les rumeurs se rapprochaient. La tour de la maison du lieutenant, située vis-à-vis de la grève, était pleine de bruit et de clarté, et l'on voyait des soldats courir sur le quai opposé, avec des torches et des cris. « L'Égyptienne, où est l'Égyptienne ? Mort, mort !»« Tu vois bien qu'ils te poursuivent. Et que je ne te mens pas. Moi, je t'aime. N'ouvre pas la bouche. Ne me parle plutôt pas si c'est pour me dire que tu me hais. Je suis décidé à ne plus entendre cela. Je viens de te sauver. Laisse-moi d'abord achever. Je puis te sauver tout à fait. J'ai tout préparé. C'est à toi de vouloir. Comme tu voudras, je pourrai. » Il s'interrompit violemment. « Non, ce n'est pas cela qu'il faut dire. » Et courant, il la faisait courir car il ne la lâchait pas. il marcha droit au gibet et le lui montrant du doigt. « Choisis entre nous deux !» dit-il froidement. Elle s'arracha de ses mains et tomba au pied du gibet en embrassant cet appui funèbre. Puis elle tourna sa belle tête à demi et regarda le prêtre par-dessus son épaule. On eût dit une sainte vierge au pied de la croix. Le prêtre était demeuré sans mouvement, le doigt toujours levé vers le gibet, conservant son geste comme une statue. Enfin l'Égyptienne lui dit « Il me fait encore moins horreur que vous !» Alors il laissa retomber lentement son bras et regarda le pavé avec un profond accablement. « Si ces pierres pouvaient parler, murmura-t-il, oui, elles diraient que voilà un homme bien malheureux. » Il reprit, la jeune fille agenouillée devant le gibet et noyée dans sa longue chevelure, le laissait parler sans l'interrompre. Il avait maintenant un accent plaintif et doux qui contrastait douloureusement avec l'âpreté hautaine de ses traits. « Moi, je vous aime. Oh, cela est pourtant bien vrai. Il ne sort donc rien au dehors de ce feu qui me brûle le cœur. Hélas, jeune fille, nuit et jour. Oui, nuit et jour. Cela ne mérite-t-il aucune pitié? C'est un amour de la nuit et du jour, vous dis-je. C'est une torture. Oh, je souffre trop, ma pauvre enfant. C'est une chose digne de compassion, je vous assure. Vous voyez que je vous parle doucement. Je voudrais bien que vous n'eussiez plus cette horreur de moi. Enfin, un homme qui aime une femme, ce n'est pas sa faute. Oh, mon Dieu, comment, vous ne me pardonnerez donc jamais? Vous me haïrez toujours. C'est donc fini. C'est là ce qui me rend mauvais, voyez-vous, et horrible à moi-même. Vous ne me regardez seulement pas. Vous pensez à autre chose peut-être tandis que je vous parle, debout et frémissant sur la limite de notre éternité à tous deux. Surtout, ne me parlez pas de l'officier. Quoi, je me jetterai à vos genoux? Quoi, je baiserai, non, vos pieds, vous ne voudriez pas, mais la terre qui est sous vos pieds? Quoi, je sangloterai comme un enfant? J'arracherai de ma poitrine, non, des paroles, mais mon cœur et mes entrailles, pour vous dire que je vous aime. Tout serait inutile, tout? Et cependant, vous n'avez rien dans l'âme que de tendre et de clément. Vous êtes rayonnante de la plus belle douceur, vous êtes tout entière suave, bonne, miséricordieuse et charmante. Hélas, vous n'avez de méchanceté que pour moi seule. Oh, quelle fatalité! Il cacha son visage dans ses mains. La jeune fille l'entendit pleurer. C'était la première fois. Ainsi, debout et secoué par les sanglots, il était plus misérable et plus suppliant qu'à genoux. Il pleura ainsi un certain temps. « Allons, » poursuivit-il ses premières larmes passées. « Je ne trouve pas de paroles. J'avais pourtant bien songé à ce que je vous dirais. Maintenant je tremble et je frissonne. Je défaille à l'instant décisif. Je sens quelque chose de suprême qui nous enveloppe, et je balbutie. Oh, je vais tomber sur le pavé si vous ne prenez pas pitié de moi. Pitié de vous! Ne nous condamnez pas tous deux. Si vous saviez combien je vous aime, quel cœur sait que mon cœur? Oh, quelle désertion de toute vertu! Quel abandon désespéré de moi-même! Docteur, je bafoue la science, gentilhomme, je déchire mon nom. Prêtre, je fais du missel un oreiller de luxure, je crache au visage de mon Dieu. Tout cela pour toi, enchanteresse, pour être plus digne de ton enfer. Et tu ne veux pas du damné? Oh, que je te dise tout, plus encore, quelque chose de plus horrible. Oh, plus horrible. En prononçant ces dernières paroles, son air devint tout à fait égaré. Il se tut un instant et reprit, comme se parlant à lui-même, et d'une voix forte. « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» Il y eut encore un silence et il poursuivit. « Ce que j'en ai fait, Seigneur, je l'ai recueilli, je l'ai élevé, je l'ai nourri, je l'ai aimé, je l'ai idolâtré et je l'ai tué. Oui, Seigneur, voici qu'on vient de lui écraser la tête devant moi sur la pierre de votre maison. Et c'est à cause de moi, à cause de cette femme, à cause d'elle. » Son œil était hagard, sa voix allait s'éteignant. Il répéta encore plusieurs fois machinalement, avec d'assez longs intervalles, comme une cloche qui prolonge sa dernière vibration. « À cause d'elle, à cause d'elle. » Puis sa langue n'articula plus aucun son perceptible. Ses lèvres remuaient toujours cependant. Tout à coup, il s'affaissa sur lui-même, comme quelque chose qui s'écroule, et demeura à terre sans mouvement, la tête dans ses genoux. Un frôlement de la jeune fille qui retirait son pied de dessous lui le fit revenir. Il passa lentement sa main sur ses joues creuses et regarda quelques instants avec stupeur ses doigts qui étaient mouillés. « Quoi ? » murmura-t-il. « J'ai pleuré. » Et se tournant subitement vers l'Égyptienne avec une angoisse inexprimable. « Hélas, vous m'avez regardé froidement pleurer. Enfant, sais-tu que ces larmes sont des laves ? Est-il donc bien vrai ? De l'homme qu'on hait, rien ne touche. Tu me verrais mourir, tu rirais. Oh, moi je ne veux pas te voir mourir. Un mot, un seul mot de pardon. Ne me dis pas que tu m'aimes. Dis-moi seulement que tu veux bien. Cela suffira, je te sauverai. Sinon, oh, l'heure passe, je t'en supplie, par tout ce qui est sacré. N'attends pas que je sois redevenu de pierre comme ce gibet qui te réclame aussi. Songe que je tiens nos deux destinées dans ma main, que je suis insensé, cela est terrible, que je puis laisser tout choir, et qu'il y a au-dessous de nous un abîme sans fond, malheureuse, où ma chute poursuivra la tienne durant l'éternité. Un mot de bonté, dis un mot, rien qu'un mot. Elle ouvrit la bouche pour lui répondre. Il se précipita à genoux devant elle pour recueillir avec adoration la parole peut-être attendrie qui allait sortir de ses lèvres. Elle lui dit « Vous êtes un assassin !» Le prêtre la prit dans ses bras avec fureur et se mit à rire d'un rire abominable. « Eh bien oui, assassin » dit-il, « et je t'aurai. Tu ne veux pas de moi pour esclave. Tu m'auras pour maître. Je t'aurai. J'ai un repère où je te traînerai. Tu me suivras. Il faudra bien que tu me suives ou je te livre. Il faut mourir, la belle, ou être à moi. Être au prêtre, être à l'apostat, être à l'assassin. Dès cette nuit, entends-tu cela? Allons, de la joie, allons, baise-moi, folle. La tombe, ou mon lit? Son œil pétillait d'impureté et de rage. Sa bouche lascive rougissait le cou de la jeune fille. Elle se débattait dans ses bras. Il la couvrait de baisers écumants. « Ne mords pas, monstre » cria-t-elle. « Oh, l'odieux infect ! Lâche-moi, je vais t'arracher tes vilains cheveux gris et te les jeter à poignée par la face !» Il rougit, il pâlit, puis il la lâcha et la regarda d'un air sombre. Elle se crut victorieuse et poursuivit. « Je te dis que je suis à mon Phébus, que c'est Phébus que j'aime, que c'est Phébus qui est beau. Toi, prêtre, tu es vieux, tu es laid, va-t'en !» Il poussa un cri violent, comme le misérable auquel on applique un fer rouge. « Meurs donc » dit-il à travers un grincement de dents. Elle vit son affreux regard et voulut fuir. Il la reprit, il la secoua, il la jeta à terre et marcha à pas rapides vers l'angle de la tour Roland en la traînant après lui sur le pavé par ses belles mains. Arrivé là, il se tourna vers elle. « Une dernière fois, veux-tu être à moi ?» Elle répondit avec force. « Non !» Alors il s'écria d'une voix haute. « Gudule, Gudule, voici l'Égyptienne, venge-toi » La jeune fille se sentit saisir brusquement au coude. Elle regarda. C'était un bras décharné qui sortait d'une lucarne dans le mur et qui la tenait comme une main de fer. « Tiens bien !» dit le prêtre. « Ne la lâche pas, c'est l'Égyptienne échappée. Je vais chercher les sergents. Tu la verras pendre !» Un rire guttural répondit de l'intérieur du mur à ces sanglantes paroles. L'Égyptienne vit le prêtre s'éloigner en courant dans la direction du pont Notre-Dame. On entendait une cavalcade de ce côté. La jeune fille avait reconnu la méchante recluse. Haletante de terreur, elle essaya de se dégager. Elle se tordit, elle fit plusieurs soubresauts d'agonie et de désespoir, mais l'autre la tenait avec une force inouïe. Les doigts osseux et maigres qui la meurtrissaient se crispaient sur sa chair et se rejoignaient alentour. On eût dit que cette main était rivée à son bras. C'était plus qu'une chaîne, plus qu'un carcan, plus qu'un anneau de fer, c'était une tenaille, intelligente et vivante, qui sortait d'un mur. Épuisée, elle retomba contre la muraille. Et alors la crainte de la mort s'empara d'elle. Elle songea à la beauté de la vie, à la jeunesse, à la vue du ciel, aux aspects de la nature, à l'amour, à Phébus, à tout ce qui s'enfuyait et tout ce qui s'approchait, au prêtre qui la dénonçait, au bourreau qui allait venir, au gibet qui était là. Alors elle sentit l'épouvante lui monter jusque dans les racines des cheveux, et elle entendit le rire lugubre de la recluse qui lui disait tout bas « Tu vas être pendue !» Elle se tourna mourante vers la lucarne. Elle vit la figure fauve de la sagette à travers les barreaux. « Que vous ai-je fait ? » dit-elle presque inanimée. La recluse ne répondit pas. Elle se mit à marmotter avec une intonation chantante, irritée et railleuse. « Fille d'Égypte ! Fille d'Égypte ! Fille d'Égypte !» La malheureuse Esmeralda laissa retomber sa tête sous ses cheveux, comprenant qu'elle n'avait pas affaire à un être humain. Tout à coup, la recluse s'écria comme si la question de l'Égyptienne avait mis tout ce temps pour arriver jusqu'à sa pensée. « Tout ce que tu m'as fait, dis-tu ? Ah ! Ce que tu m'as fait, Égyptienne ! Eh bien, écoute, j'avais un enfant, moi, vois-tu ? J'avais un enfant. Un enfant, te dis-je, une jolie petite fille. Mon Agnès, reprit-elle égarée et baisant quelque chose dans les ténèbres. Eh bien, vois-tu, fille d'Égypte, on m'a pris mon enfant, on m'a volé mon enfant, on a mangé mon enfant. Voilà ce que tu m'as fait. La jeune fille répondit comme l'agneau. Hélas, je n'étais peut-être pas née alors. Oh si, repartit la recluse. « Tu devais être née, tu en étais, elle serait de ton âge ainsi. Voilà 15 ans que je suis ici, 15 ans que je souffre, 15 ans que je prie, 15 ans que je me cogne la tête aux 4 murs. Je te dis que ce sont les Égyptiennes qui me l'ont volée, entends-tu cela? Et qui l'ont mangée avec leurs dents. As-tu un cœur? Figure-toi ce que c'est qu'un enfant qui joue, un enfant qui tète, un enfant qui dort. C'est si innocent. Eh bien, cela, c'est cela qu'on m'a pris, qu'on m'a tué. Le bon Dieu le sait bien. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais manger l'Égyptienne. Oh, que je te mordrais bien si les barreaux ne m'empêchaient. J'ai la tête trop grosse. La pauvre petite, pendant qu'elle dormait, et si elles l'ont réveillée en l'apprenant, elle aura eu beau crier. Je n'étais pas là. Ah! Les mères égyptiennes, vous avez mangé mon enfant. Venez voir la vôtre. Alors elle se mit à rire et à grincer des dents. Les deux choses se ressemblaient sur cette figure furieuse. Le jour commençait à poindre. Un reflet de cendre éclairait vaguement cette scène, et le gibet devenait de plus en plus distinct sur la place. De l'autre côté, vers le pont Notre-Dame, la pauvre condamnée croyait entendre se rapprocher le bruit de cavalerie. « Madame, cria-t-elle joignant les mains, et tombée sur ses deux genoux, échevelée et perdue, folle d'effroi. Madame, ayez pitié, ils viennent, je ne vous ai rien fait. Voulez-vous me voir mourir de cette horrible façon sous vos yeux? Vous avez de la pitié, j'en suis sûre, c'est trop affreux. Laissez-moi me sauver, laissez-moi grâce, je ne veux pas mourir comme cela. » « Rends-moi mon enfant, dit la recluse. « Grâce, grâce !»« Rends-moi mon enfant !»« Lâchez-moi au nom du ciel !»« Rends-moi mon enfant !» Cette fois encore, la jeune fille retomba, épuisée, rompue, ayant déjà le regard vitré de quelqu'un qui est dans la fosse. Hélas, bégaya-t-elle, vous cherchez votre enfant, moi je cherche mes parents. Rends-moi ma petite Agnès, poursuivit Gudule. Tu ne sais pas où elle est? Alors meurs. Je vais te dire, j'étais une fille de joie, j'avais un enfant, on m'a pris mon enfant, ce sont les Égyptiennes, tu vois bien qu'il faut que tu meures. Quand ta mère, l'Égyptienne, viendra te réclamer, je lui dirai, la mère, regarde à ce gibet. Ou bien, rends-moi mon enfant. Sais-tu où elle est, ma petite fille? Tiens que je te montre, voilà son soulier, tout ce qui m'en reste. Sais-tu où est le pareil? Si tu le sais, dis-le-moi. Et si ce n'est qu'à l'autre bout de la terre, je l'irai chercher en marchant sur les genoux. En parlant ainsi de son bras tendu hors de la lucarne, elle montrait à l'Égyptienne le petit soulier brodé. Il faisait déjà assez jour pour en distinguer la forme et les couleurs. « Montrez-moi ce soulier !» dit l'Égyptienne en tressaillant. « Dieu, Dieu !» Et en même temps de la main qu'elle avait libre, elle ouvrait vivement le petit sachet orné de verroteries vertes qu'elle portait au cou. « Va, va !» grommelait Gudule. « Fouille ton amulette du démon !» Tout à coup, elle s'interrompit, trembla de tout son corps et cria avec une voix qui venait du plus profond de ses entrailles. « Ma fille !» L'Égyptienne venait de tirer du sachet un petit soulier absolument pareil à l'autre. À ce petit soulier était attaché un parchemin sur lequel ce carme était écrit. « Quand le pareil tu retrouveras, ta mère te tendra les bras. » En moins de temps qu'il n'en faut à l'éclair, la recluse avait confronté les deux souliers, lu l'inscription du parchemin et collé au barreau de la lucarne son visage rayonnant d'une joie céleste en criant « Ma fille, ma fille !»« Ma mère !» répondit l'Égyptienne. « Ici, nous renonçons à peindre. » Le mur et les barreaux de fer étaient entre elles deux. « Oh, le mur !» cria la recluse. « Oh, la voir et ne pas l'embrasser ! Ta main, ta main !» La jeune fille lui passa son bras à travers la lucarne. La recluse se jeta sur cette main, y attacha ses lèvres et y demeura abîmée dans ce baiser, ne donnant plus d'autre signe de vie qu'un sanglot qui soulevait ses hanches de temps en temps. Cependant, elle pleurait à torrents, en silence, dans l'ombre, comme une pluie de nuit. La pauvre mère vidait par flots sur cette main adorée le noir et profond puits de larmes qui était au-dedans d'elle et où toute sa douleur avait filtré goutte à goutte depuis 15 années. Tout à coup elle se releva, écarta ses longs cheveux gris de dessus son front et, sans dire une parole, se mit à ébranler de ses deux mains les barreaux de sa loge plus furieusement qu'une lionne. Les barreaux tinrent bon. Alors elle alla chercher dans un coin de sa cellule un gros pavé qui lui servait d'oreiller et le lança contre eux avec tant de violence qu'un des barreaux se brisa en jetant 1000 étincelles. Un second coup effondra tout à fait la vieille croix de fer qui barricadait la lucarne. Alors avec ses deux mains, elle acheva de rompre et d'écarter les tronçons rouillés des barreaux. Il y a des moments où les mains d'une femme ont une force surhumaine. Le passage frayé, et il fallut moins d'une minute pour cela, elle saisit sa fille par le milieu du corps et la tira dans sa cellule. « Viens que je te repêche de l'abîme, » murmurait-elle. Quand sa fille fut dans la cellule, elle la posa doucement à terre, puis la reprit et la portant dans ses bras comme si ce n'était toujours que sa petite Agnès, elle allait et venait dans l'étroite loge, ivre, forcenée, joyeuse, criant, chantant, baisant sa fille, lui parlant, éclatant de rire, fondant en larmes, le tout à la fois et avec emportement. « ma fille, disait-elle, j'ai ma fille, la voilà, le bon Dieu me l'a rendue, et vous, venez tous, il y a quelqu'un là pour voir que j'ai ma fille. Seigneur Jésus, qu'elle est belle, vous me l'avez fait attendre 15 ans, mon bon Dieu, mais c'était pour me la rendre belle. Les Égyptiennes ne l'avaient donc pas mangée. Qui avait dit cela ? Ma petite fille, baise-moi. Ces bonnes Égyptiennes, j'aime les Égyptiennes. C'est bien toi, c'est donc cela que le cœur me sautait chaque fois que tu passais. Moi qui prenais cela pour de la haine, pardonne-moi, mon Agnès, pardonne-moi. Tu m'as trouvée bien méchante, n'est-ce pas ? Je t'aime. Ton petit signe au cou, tu l'as toujours, voyons. Elle l'a toujours. Oh, tu es belle. C'est moi qui vous ai fait ces grands yeux-là, mademoiselle. Baise-moi, je t'aime. Cela m'est égal que les autres mères aient des enfants. Je me moque bien d'elles à présent. Elles n'ont qu'à venir. Voici la mienne. Voici son cou, ses yeux, ses cheveux, sa main. Trouvez-moi quelque chose de beau comme cela. Oh, je vous en réponds qu'elle aura des amoureux, celle-là. J'ai pleuré 15 ans. Toute ma beauté s'en est allée et lui est venue. Elle lui tenait 1000 autres discours extravagants, dont l'accent faisait toute la beauté. Déranger les vêtements de la pauvre fille jusqu'à la faire rougir, lui lisser sa chevelure de soie avec la main, lui baiser le pied, le genou, le front, les yeux, s'extasier de tout. La jeune fille se laissait faire en répétant par intervalles très bas et avec une douceur infinie. « Ma mère !»« Vois-tu, ma petite fille ?» reprenait la recluse, en entrecoupant tous ces mots de baiser. « Vois-tu, je t'aimerai bien. Nous nous en irons d'ici. Nous allons être bien heureuses. J'ai hérité quelque chose à Reims dans notre pays. Tu sais, Reims ? Ah non, tu ne sais pas cela, toi. Tu étais trop petite. Si tu savais comme tu étais jolie à 4 mois. Des petits pieds qu'on venait voir par curiosité d'épernée, qui est à 7 lieues. Nous aurons un champ, une maison. Je te coucherai dans mon lit. Mon Dieu, qui est-ce qui croirait cela ? J'ai ma fille ! Oh, ma mère ! Dit la jeune fille, trouvant enfin la force de parler dans son émotion. L'Égyptienne me l'avait bien dit. Il y a une bonne Égyptienne des nôtres qui est morte l'an passé et qui avait toujours eu soin de moi comme une nourrice. C'est elle qui m'avait mis ce sachet au cou. Elle me disait toujours « Petite, garde bien ce bijou. » « C'est un trésor, il te fera retrouver ta mère. Tu portes ta mère à ton cou. » Elle l'avait prédit, l'Égyptienne. La sachette serra de nouveau sa fille dans ses bras. « Viens que je te baise, tu dis cela gentiment. Quand nous serons au pays, nous chausserons un enfant Jésus d'église avec tes petits souliers. Nous devons bien cela à la bonne Sainte Vierge. Mon Dieu, que tu as une jolie voix. Quand tu me parlais tout à l'heure, c'était une musique. « Oh, mon Dieu Seigneur, j'ai retrouvé mon enfant. Mais est-ce croyable, cette histoire-là ? On ne meurt de rien, car je ne suis pas morte de joie. » Et puis elle se remit à battre des mains et à rire et à crier. « Nous allons être heureuses !» En ce moment, la logette retentit d'un cliquetis d'armes et d'un galop de chevaux qui semblait déboucher du pont Notre-Dame et s'avançait de plus en plus sur le quai. L'Égyptienne se jeta avec angoisse dans les bras de la sachette. « Sauvez-moi, sauvez-moi, ma mère, les voilà qui viennent !» La recluse devint pâle. « Au ciel, que dis-tu là ? J'avais oublié, on te poursuit. Qu'as-tu donc fait ?»« Je ne sais pas, » répondit la malheureuse enfant, « mais je suis condamnée à mourir. »« Mourir ?» dit Gudu le chancelant comme sous un coup de foudre. « Mourir ? » reprit-elle lentement et regardant sa fille avec son œil fixe. « Oui, ma mère, » reprit la jeune fille éperdue, « ils veulent me tuer. Voilà qu'on vient me prendre. Cette potence est pour moi. Sauvez-moi, sauvez-moi. Ils arrivent, sauvez-moi. » La recluse resta quelques instants, immobile, comme une pétrification. Puis elle remua la tête en signe de doute, et tout à coup, partant d'un éclat de rire, mais de son rire effrayant qui lui était revenu, « Ah, non, c'est un rêve que tu me dis là. Ah oui, je l'aurais perdue, cela aurait duré 15 ans, et puis je la retrouverai, et cela durerait 1 minute, et on me la reprendrait, et c'est maintenant qu'elle est belle, qu'elle est grande, qu'elle me parle, qu'elle m'aime, c'est maintenant qu'il viendrait me la manger, sous mes yeux à moi qui suis sa mère. Oh non, ces choses-là ne sont pas possibles, le bon Dieu n'en permet pas comme cela. » Ici la cavalcade parut s'arrêter, et l'on entendit une voix éloignée qui disait « Par ici, messire Tristan, Le prêtre dit que nous la trouverons au trou aux rats. » Le bruit de chevaux recommença. La recluse se dressa debout avec un cri désespéré. « Sauve-toi ! Sauve-toi, mon enfant ! Tout me revient, tu as raison. C'est ta mort, horreur, malédiction. Sauve-toi !» Elle mit la tête à la lucarne et la retira vite. « Reste !» dit-elle d'une voix basse, brève et lugubre, en serrant convulsivement la main de l'Égyptienne, plus morte que vive. « Reste ! Ne souffle pas ! Il y a des soldats partout. Tu ne peux sortir, il fait trop de jours. » Ses yeux étaient secs et brûlants. Elle resta un moment sans parler. Seulement, elle marchait à grands pas dans la cellule et s'arrêtait par intervalles pour s'arracher des poignées de cheveux gris qu'elle déchirait ensuite avec ses dents. Tout à coup, elle dit « Ils approchent, je vais leur parler. Cache-toi dans ce coin, ils ne te verront pas. Je leur dirai que tu t'es échappé, que je t'ai lâché, ma foi. » Elle posa sa fille, car elle la portait toujours, dans un angle de la cellule qu'on ne voyait pas du dehors. Elle l'accroupit, l'arrangea soigneusement de manière que ni son pied ni sa main ne dépassent l'ombre, lui dénoua ses cheveux noirs qu'elle répandit sur sa robe blanche pour la masquer, mit devant elle sa cruche et son pavé, les seuls meubles qu'elle eut, s'imaginant que cette cruche et ce pavé la cacheraient. Et quand ce fut fini, plus tranquille, elle se mit à genoux et pria. Le jour qui ne faisait que de poindre laissait encore beaucoup de ténèbres dans le trou aux rats. À cet instant, la voix du prêtre, cette voix infernale, passa très près de la cellule en criant « Par ici, capitaine Phébus de Châteaupers !» À ce nom, à cette voix, la Esmeralda, tapie dans son coin, fit un mouvement. « Ne bouge pas !» dit Gudule. Elle achevait à peine qu'un tumulte d'hommes, d'épées et de chevaux s'arrêta autour de la cellule. La mère se leva bien vite et s'alla poster devant sa lucarne pour la boucher. Elle vit une grande troupe d'hommes armés de pied et de cheval rangés sur la grève. Celui qui les commandait mit pied à terre et vint vers elle. « La vieille !» dit cet homme qui avait une figure atroce. « Nous cherchons une sorcière pour la pendre. On nous a dit que tu l'avais. » La pauvre mère prit l'air le plus indifférent qu'elle put et répondit « Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire. »« Tête Dieu ! Que chante donc cet effaré d'archidiacre, où est-il ? » ?»« Monseigneur !» dit un soldat. « Il a disparu. »« Hors ça, la vieille folle !» repartit le commandant. « Ne me mens pas. On t'a donné une sorcière à garder. Qu'en as-tu fait ?» La recluse ne voulut pas tout nier de peur d'éveiller des soupçons et répondit d'un accent sincère et bourru « Si vous me parlez d'une grande jeune fille qu'on m'a accrochée aux mains tout à l'heure, je vous dirai qu'elle m'a mordu et que je l'ai lâchée. Voilà, laissez-moi en repos. » Le commandant fit une grimace désappointée. « Ne va pas me mentir, vieux spectre, » reprit-il. « Je m'appelle Tristan l'Ermite et je suis le compère du roi. Tristan l'Ermite, entends-tu ? » Il ajouta en regardant la place de grève autour de lui. « C'est un nom qui a de l'écho ici. » « Vous seriez Satan l'Ermite ?» répliqua Gudule qui reprenait espoir. « Que je n'aurai pas autre chose à vous dire, et que je n'aurai pas peur de vous. »« Tête Dieu !» dit Tristan, « voilà une commère !»« Ah ! La fille sorcière s'est sauvée, et par où a-t-elle pris ?» Gudule répondit d'un ton insouciant. « Par la rue du Mouton, je crois. » Tristan tourna la tête et fit signe à sa troupe de se préparer à se remettre en marche. La recluse respira. « Monseigneur !» dit tout à coup un archer. « Demandez donc à la vieille fée pourquoi les barreaux de sa lucarne sont défaits de la sorte. » Cette question fit rentrer l'angoisse au cœur de la misérable mère. Elle ne perdit pourtant pas toute présence d'esprit. « Ils ont toujours été ainsi, » bégaya-t-elle. « Bah !» repartit l'archer. « Hier encore, il faisait une belle croix noire qui donnait de la dévotion. » Tristan jeta un regard oblique à la recluse. « Je crois que la commère se trouble. » L'infortunée sentit que tout dépendait de sa bonne contenance, et la mort dans l'âme, elle se mit à ricaner. Les mères ont de ces forces-là. « Bah ! » dit-elle, « cet homme est ivre. Il y a plus d'un an que le cul d'une charrette de pierre a donné dans ma lucarne et a défoncé la grille. Que même j'ai injurié le charretier. »« C'est vrai !» dit un autre archer. « J'y étais. » Il se trouve toujours partout des gens qui ont tout vu. Ce témoignage inespéré de l'archer ranima la recluse, à qui cet interrogatoire faisait traverser un abîme sur le tranchant d'un couteau. Mais elle était condamnée à une alternative continuelle d'espérance et d'alarme. « Si c'est une charrette qui a fait cela, » repartit le premier soldat, « les tronçons des barres devraient être repoussés en dedans, tandis qu'ils sont ramenés en dehors. » dit Tristan au soldat, « tu as un nez d'enquêteur au Châtelet. Répondez à ce qu'il dit, la vieille. »« Mon Dieu !» s'écria-t-elle aux abois et d'une voix malgré elle pleine de larmes. « Je vous jure, monseigneur, que c'est une charrette qui a brisé ses barreaux. Vous entendez que cet homme l'a vu. Et puis qu'est-ce que cela fait pour votre égyptienne ?»« Hein !» grommela Tristan. « Diable !» reprit le soldat flatté de l'éloge du prévôt. « Les cassures du fer sont toutes fraîches. » Tristan hocha la tête. Elle pâlit. « Combien y a-t-il de temps, dites-vous, de cette charrette ?»« Un mois, 15 jours peut-être, monseigneur, je ne sais plus, moi. » « Elle a d'abord dit plus d'un an, » observa le soldat. « Voilà qui est louche, » dit le prévôt. « Monseigneur, » cria-t-elle toujours collée devant la lucarne, et tremblant que le soupçon ne les poussât à y passer la tête et à regarder dans la cellule. « Monseigneur, je vous jure que c'est une charrette qui a brisé cette grille. Je vous le jure par les saints anges du paradis. Si ce n'est pas une charrette, je veux être éternellement damnée et je renie Dieu. » « Tu mets bien de la chaleur à ce jurement, » dit Tristan avec son coup d'œil d'inquisiteur. La pauvre femme sentait s'évanouir de plus en plus son assurance. Elle en était à faire des maladresses et elle comprenait avec terreur qu'elle ne disait pas ce qu'il aurait fallu dire. Ici, un autre soldat arriva en criant. « Monseigneur, la vieille fément, la sorcière ne s'est pas sauvée par la rue Mouton. La chaîne de la rue est restée tendue toute la nuit et le garde-chaîne n'a vu passer personne. » Tristan, dont la physionomie devenait à chaque instant plus sinistre, interpella la recluse. « Qu'as-tu à dire à cela ?» Elle essaya encore de faire tête à ce nouvel incident. « Que je ne sais, monseigneur, que j'ai dû me tromper. Je crois qu'elle a passé l'eau, en effet. »« C'est le côté opposé, » dit le prévôt. « Il n'y a pourtant pas grande apparence qu'elle ait pu rentrer dans la cité où on la poursuivait. Tu mens, la vieille. » « Et puis, » ajouta le premier soldat, « il n'y a pas de bateau de ce côté de l'eau ni de l'autre. »« Elle aura passé à la nage, » répliqua la recluse défendant le terrain pied à pied. « Est-ce que les femmes nagent ?» dit le soldat. « Tête Dieu, la vieille, tu mens !» reprit Tristan avec colère. « J'ai bonne envie de laisser là cette sorcière et de te pendre, toi. Un quart d'heure de questions te tirera peut-être la vérité du gosier. Allons, tu vas nous suivre. » Elle saisit ses paroles avec avidité. « Comme vous voudrez, monseigneur, faites, faites. La question, je veux bien. Emmenez-moi, vite, vite. Partons tout de suite. » Pendant ce temps-là, pensait-elle, ma fille se sauvera. « Mordieu ! » dit le prévôt. « Quel appétit du chevalet ! Je ne comprends rien à cette folle. » Un vieux sergent du guet à tête grise sortit des rangs et s'adressant au prévôt. « Folle en effet, monseigneur. Si elle a lâché l'égyptienne, ce n'est pas sa faute. Car elle n'aime pas les Égyptiennes. Voilà 15 ans que je fais le guet, et que je l'entends tous les soirs maugréer les femmes bohèmes, avec des exécrations sans fin. Si celle que nous poursuivons est, comme je le crois, la petite danseuse à la chèvre, elle déteste celle-là surtout. » Gudule fit un effort et dit « Celle-là surtout !» Le témoignage unanime des hommes du guet confirma au prévôt les paroles du vieux sergent. Tristan l'ermite, désespérant de rien tirer de la recluse, lui tourna le dos et elle le vit avec une anxiété inexprimable se diriger lentement vers son cheval. « Allons, » disait-il entre ses dents. « En route. Remettons-nous à l'enquête. Je ne dormirai pas que l'Égyptienne ne soit pendue. » Cependant, il hésita encore quelque temps avant de monter à cheval. Gudule palpitait entre la vie et la mort en le voyant promener autour de la place, cette mine inquiète d'un chien de chasse qui sent près de lui le gîte de la bête et résiste à s'éloigner. Enfin, il secoua la tête et sauta en selle. Le cœur si horriblement comprimé de Gudule se dilata et elle dit à voix basse en jetant un coup d'œil sur sa fille qu'elle n'avait pas encore osé regarder depuis qu'ils étaient là. « Sauvée !» La pauvre enfant était restée tout ce temps dans son coin, sans souffler mot, sans remuer, avec l'idée de la mort debout devant elle. Elle n'avait rien perdu de la scène entre Gudule et Tristan, et chacune des angoisses de sa mère avait retenti en elle. Elle avait entendu tous les craquements successifs du fil qui la tenait suspendue sur le gouffre. Elle avait cru 20 fois le voir se briser et commencer enfin à respirer et à se sentir le pied en terre ferme. En ce moment, elle entendit une voix qui disait au prévôt « Corbeuf, monsieur le prévôt, ce n'est pas mon affaire à moi, homme d'armes, de pendre les sorcières. La quenaille de peuple est là-bas. Je vous laisse besogner tout seul. Vous trouverez bon que j'aille rejoindre ma compagnie pour ce qu'elle est sans capitaine. » Cette voix, c'était celle de Phébus de Châteaupers. Ce qui se passa en elle est ineffable. Il était donc là son ami, son protecteur, son appui, son asile, son Phébus. Elle se leva, et avant que sa mère eût pu l'en empêcher, elle s'était jetée à la lucarne en criant « Phébus, à moi, mon Phébus !» Phébus n'y était plus, il venait de tourner au galop l'angle de la rue de la Coutellerie. Mais Tristan n'était pas encore parti. La recluse se précipita sur sa fille avec un rugissement. Elle la retira violemment en arrière, en lui enfonçant ses ongles dans le cou. Une mère tigresse n'y regarde pas de si près. Mais il était trop tard. Tristan avait vu. S'écria-t-il avec un rire qui déchaussait toutes ses dents et faisait ressembler sa figure au museau d'un loup. De souris dans la souricière. Je m'en doutais, dit le soldat. Tristan lui frappa sur l'épaule. Tu es un bon chat. Allons, ajouta-t-il. Où est Henriette, cousin? Un homme qui n'avait ni le vêtement ni la mine des soldats sortit de leur rang. Il portait un costume mi-parti gris et brun, les cheveux plats, des manches de cuir et un paquet de cordes à sa grosse main. Cet homme accompagnait toujours Tristan, qui accompagnait toujours Louis XI. « L'ami, dit Tristan l'ermite, je présume que voilà la sorcière que nous cherchions. Tu vas me pendre cela. As-tu ton échelle ?»« Il y en a une sous le hangar de la maison au pilier, répondit l'homme. « Est-ce à cette justice-là que nous ferons la chose ? » poursuivit-il en montrant le gibet de pierre. « Oui. » reprit l'homme avec un gros rire plus bestial encore que celui du prévôt. « Nous n'aurons pas beaucoup de chemin à faire. »« Dépêche, » dit Tristan, « tu riras après. » Cependant, depuis que Tristan avait vu sa fille et que tout espoir était perdu, la recluse n'avait pas encore dit une parole. Elle avait jeté la pauvre égyptienne à demi-morte dans le coin du caveau et s'était replacée à la lucarne, ses deux mains appuyées à l'angle de l'entablement comme de griffes. Dans cette attitude, on la voyait promener intrépidement sur tous ses soldats, son regard qui était redevenu fauve et insensé. Au moment où Henriette Cousin s'approcha de la loge, elle lui fit une figure tellement sauvage qu'il recula. « Monseigneur ! Dit-il en revenant au prévôt. « Laquelle faut-il pendre ?»« La jeune. »« Tant mieux, car la vieille paraît malaisée. »« Pauvre petite danseuse à la chèvre, » dit le vieux sergent du guet. Henriette Cousin se rapprocha de la lucarne. L'œil de la mère fit baisser le sien. Il dit assez timidement « Madame !» Elle l'interrompit d'une voix très basse et furieuse. « Que demandes-tu ? » ?»« Ce n'est pas vous, » dit-il, « c'est l'autre. » « Quelle autre ?»« La jeune. » Elle se mit à secouer la tête en criant « Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. » « Si, reprit le bourreau, vous le savez bien, laissez-moi prendre la jeune. Je ne veux pas vous faire de mal à vous. » Elle dit avec un ricanement étrange « Ah, tu ne veux pas me faire de mal à moi ? Laissez-moi l'autre, madame. C'est monsieur le prévôt qui le veut. » Elle répéta d'un air de folie « Il n'y a personne. » « Je vous dis que si, » répliqua le bourreau. « Nous avons tous vu que vous étiez deux. »« Regarde plutôt, » dit la recluse en ricanant. « Fourre ta tête par la lucarne. » Le bourreau examina les ongles de la mère et n'osa pas. « Dépêche !» cria Tristan qui venait de ranger sa troupe en cercle autour du trou aux rats et qui se tenait à cheval près du gibet. Henriette revint au prévôt encore une fois tout embarrassée. Il avait posé sa corde à terre et roulé d'un air gauche son chapeau dans ses mains. « Monseigneur, demanda-t-il, par où entrer ?»« Par la porte. Il n'y en a pas. Par la fenêtre. Elle est trop étroite. »« Élargis-la, dit Tristan avec colère. N'as-tu pas des pioches ?» Du fond de son antre, la mère toujours en arrêt regardait. Elle n'espérait plus rien. Elle ne savait plus ce qu'elle voulait, mais elle ne voulait pas qu'on lui prît sa fille. Henriette Cousin alla chercher la caisse d'outils des basses œuvres sous le hangar de la maison au pilier. Il en retira aussi la double échelle qu'il appliqua sur le champ au gibet. 5 ou 6 hommes de la prévôté s'armèrent de piques et de leviers, et Tristan se dirigea avec eux vers la lucarne. « La vieille, dit le prévôt d'un ton sévère, livre-nous cette fille de bonne grâce. » Elle le regarda comme quand on ne comprend pas. « Tête Dieu, reprit Tristan, qu'as-tu donc à empêcher cette sorcière d'être pendue comme il plaît au roi ?» La misérable se mit à rire de son rire farouche. « Ce que j'y ai, c'est ma fille !» L'accent dont elle prononça ce mot fit frissonner jusqu'à Henriette Cousin lui-même. « J'en suis fâché, reprit le prévôt, mais c'est le bon plaisir du roi. » Elle cria en redoublant son rire terrible. « Qu'est-ce que cela me fait, ton roi ? Je te dis que c'est ma fille !»« Percez le mur, dit Tristan. » Il suffisait, pour pratiquer une ouverture assez large, de déceler une assise de pierre au-dessous de la lucarne. Quand la mère entendit les pics et les leviers saper sa forteresse, elle poussa un cri épouvantable. Puis, elle se mit à tourner avec une vitesse effrayante autour de sa loge, habitude de bête fauve que la cage lui avait donnée. Elle ne disait plus rien, mais ses yeux flamboyaient. Les soldats étaient glacés au fond du cœur. Tout à coup, elle prit son pavé, rit et se jeta à 2 poings sur les travailleurs. Le pavé mal lancé, car ses mains tremblaient, ne toucha personne et vint s'arrêter sous les pieds du cheval de Tristan. Elle grinça des dents. Cependant, quoique le soleil ne fût pas encore levé, il faisait grand jour. Une belle teinte rose égayait les vieilles cheminées vermoulues de la maison aux piliers. C'était l'heure où les fenêtres les plus matinales de la grande ville s'ouvrent joyeusement sur les toits. Quelques manants, quelques fruitiers allant aux halles sur leur âne, commençaient à traverser la grève. Ils s'arrêtaient un moment devant ce groupe de soldats amoncelés autour du trou aux rats, le considéraient d'un air étonné et passaient outre. La recluse était allée s'asseoir près de sa fille, la couvrant de son corps devant elle, l'œil fixe, écoutant la pauvre enfant qui ne bougeait pas et qui murmurait à voix basse pour toute parole. « Phébus, Phébus !» À mesure que le travail des démolisseurs semblait s'avancer, la mère se reculait machinalement et serrait de plus en plus la jeune fille contre le mur. Tout à coup, la recluse vit la pierre, car elle faisait sentinelle et ne la quittait pas du regard, s'ébranlait, et elle entendit la voix de Tristan qui encourageait les travailleurs. Alors, elle sortit de l'affaissement où elle était tombée depuis quelques instants, et s'écria, et tandis qu'elle parlait, sa voix tantôt déchirait l'oreille comme une scie, tantôt balbutiait, comme si toutes les malédictions se fussent pressées sur ses lèvres pour éclater à la fois. « Oh, oh, mais c'est terrible! Vous êtes des brigands! Est-ce que vous allez vraiment me prendre ma fille? Je vous dis que c'est ma fille! Oh, les lâches! Oh, les laquais bourreaux! Misérable goujat assassin! Au secours! Au secours! Au feu! Mais est-ce qu'ils me prendront mon enfant comme cela? Qu'est-ce donc qu'on appelle le bon Dieu? » Alors, s'adressant à Tristan, écumante, l'œil hagard, à 4 pattes comme une panthère et tout hérissée, « Approche un peu me prendre ma fille! Est-ce que tu ne comprends pas ce que cette femme te dit, que c'est sa fille? Sais-tu ce que c'est qu'un enfant qu'on a? Hé, loup Servier, n'as-tu jamais gité avec ta louve? N'as-tu jamais eu un louveteau? Et si tu as des petits, quand ils hurlent, est-ce que tu n'as rien dans le ventre que cela remue? » Mettez bas la pierre, dit Tristan, elle ne tient plus. Les leviers soulevèrent la lourde assise. C'était, nous l'avons dit, le dernier rempart de la mère. Elle se jeta dessus, elle voulut la retenir. Elle y gratigna la pierre avec ses ongles. Mais le bloc massif, mis en mouvement par 6 hommes, lui échappa et glissa doucement jusqu'à terre le long des leviers de fer. La mère, voyant l'entrée faite, tomba devant l'ouverture en travers, barricadant la brèche de son corps, tordant ses bras, heurtant la dalle de sa tête, et criant d'une voix enrouée de fatigue qu'on entendait à peine « Au secours! Au feu! Au feu !»« Maintenant, prenez la fille !» dit Tristan, toujours impassible. La mère regarda les soldats d'une manière si formidable qu'ils avaient plus envie de reculer que d'avancer. « Allons donc !» reprit le prévôt. « Henriette cousin, toi !» Personne ne fit un pas. Le prévôt jura « Tête Christ, mes gens de guerre, peur d'une femme !»« Monseigneur, dit Henriette, vous appelez cela une femme ?»« Elle a une crinière de lion, dit un autre. »« Allons, repartit le prévôt, entrez-y trois de front comme à la brèche de Pontoise. Finissons, Mormaon, le premier qui recule, j'en fais deux morceaux. » Placés entre le prévôt et la mère, tous deux menaçants, les soldats hésitèrent un moment, puis, prenant leur parti, s'avancèrent vers le trou aux rats. Quand la recluse vit cela, elle se dressa brusquement sur les genoux, écarta ses cheveux de son visage, puis laissa retomber ses mains maigres et écorchées sur ses cuisses. Alors, de grosses larmes sortirent une à une de ses yeux. Elle descendait par une ride le long de ses joues, comme un torrent par le lit qu'il s'est creusé. En même temps, elle se mit à parler, mais d'une voix si suppliante, si douce, si soumise et si poignante, qu'à l'entour de Tristan, plus d'un vieil argousin qui aurait mangé de la chair humaine s'essuyait les yeux. « Mes seigneurs, messieurs les sergents, un mot. C'est une chose qu'il faut que je vous dise. C'est ma fille, voyez-vous, ma chère petite fille que j'avais perdue. Écoutez, c'est une histoire. Figurez-vous que je connais très bien, messieurs les sergents. Ils ont toujours été bons pour moi dans le temps que les petits garçons me jeter des pierres parce que je faisais la vie d'amour. Voyez-vous, vous me laisserez mon enfant quand vous saurez. Je suis une pauvre fille de joie. Ce sont les bohémiennes qui me l'ont volé. Même que j'ai gardé son soulier 15 ans. Tenez, le voilà. Elle avait ce pied-là. À Reims, la Chantefleurie, rue Follepin. Vous avez connu cela peut-être. C'était moi. Dans votre jeunesse alors, c'était un beau temps. On passait de bons quarts d'heure. Vous auriez pitié de moi, n'est-ce pas, mes seigneurs? Les Égyptiennes me l'ont volée. Elles l'ont cachée 15 ans. Je la croyais morte, figurez-vous, mes bons amis, que je la croyais morte. J'ai passé 15 ans ici, dans cette cave, sans feu l'hiver. C'est dur, cela. Le pauvre cher petit soulier. J'ai tant crié que le bon Dieu m'a entendu. Cette nuit, il m'a rendu ma fille. C'est un miracle du bon Dieu. Elle n'était pas morte. Vous ne me la prendrez pas, j'en suis sûre. Encore, si c'était moi, je ne dirais pas. Mais elle, une enfant de 16 ans, laissez-lui le temps de voir le soleil. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Rien du tout, moi non plus. Si vous saviez que je n'ai qu'elle, que je suis vieille, que c'est une bénédiction que la Sainte Vierge m'envoie. Et puis, vous êtes si bons tous, vous ne saviez pas que c'était ma fille. À présent, vous le savez. Oh, je l'aime, monsieur le grand prévôt. J'aimerais mieux un trou à mes entrailles qu'une égratignure à son doigt. C'est vous qui avez l'air d'un bon seigneur. Ce que je vous dis là vous explique la chose, n'est-il pas vrai? Oh, si vous avez eu une mère, monseigneur, vous êtes le capitaine. Laissez mon enfant. Considérez que je vous prie à genoux. Comme on prie Jésus-Christ, je ne demande rien à personne. Je suis de Reims, messeigneurs. J'ai un petit champ de mon oncle Maillet Pradon. Je ne suis pas une mendiante. Je ne veux rien, mais je veux mon enfant. Oh, je veux garder mon enfant. Le bon Dieu qui est le maître ne me l'a pas rendu pour rien. Le roi, vous dites le roi. Cela ne lui fera déjà pas beaucoup de plaisir qu'on tue ma petite fille. Et puis le roi est bon. C'est ma fille à moi. Elle n'est pas au roi. Elle n'est pas à vous. Je veux m'en aller. Nous voulons nous en aller. Enfin, deux femmes qui passent, dont l'une est la mère et l'autre la fille. On les laisse passer. Laissez-nous passer. Nous sommes de Reims. Oh, vous êtes bien bons, messieurs les sergents. Je vous aime tous. Vous ne me prendrez pas, ma chère petite. C'est impossible, n'est-ce pas ? Que c'est tout à fait impossible. Mon enfant, mon enfant !» Nous n'essaierons pas de donner une idée de son geste, de son accent, des larmes qu'elle buvait en parlant, des mains qu'elle joignait puis tordait, des sourires navrants, des regards noyés, des gémissements, des soupirs, des cris misérables et saisissants qu'elle mêlait à ses paroles désordonnées, folles et décousues. Quand elle se tut, Tristan l'ermite fronça le sourcil, mais c'était pour cacher une larme qui roulait dans son œil de tigre. Il surmonta pourtant cette faiblesse et dit d'un ton bref « Le roi le veut !» Puis il se pencha à l'oreille d'Henriette Cousin et lui dit tout bas « Finis vite !» Le redoutable prévôt sentait peut-être le cœur lui manquer à lui aussi. Le bourreau et les sergents entrèrent dans la logette. La mère ne fit aucune résistance, seulement elle se traîna vers sa fille et se jeta à corps perdu sur elle. L'égyptienne vit les soldats s'approcher. L'horreur de la mort la ranima. « Ma mère » cria-t-elle avec un inexprimable accent de détresse. « Ma mère, ils viennent, défendez-moi !»« Oui, mon amour, je te défends, » répondit la mère d'une voix éteinte. Et la serrant étroitement dans ses bras, elle la couvrit de baisers. Toutes deux, ainsi à terre, la mère sur la fille, faisaient un spectacle digne de pitié. Henriette Cousin prit la jeune fille par le milieu du corps, sous ses belles épaules. Quand elle sentit cette main, elle fit « Ah !» et s'évanouit. Le bourreau, qui laissait tomber goutte à goutte de grosses larmes sur elle, voulut l'enlever dans ses bras. Il essaya de détacher la mère qui avait, pour ainsi dire, noué ses deux mains autour de la ceinture de sa fille. Mais elle était si puissamment cramponnée à son enfant qu'il fut impossible de l'en séparer. Henriette Cousin, alors, traîna la jeune fille hors de la loge et la mère après elle. La mère aussi tenait ses yeux fermés. Le soleil se levait en ce moment. Il y avait déjà sur la place un assez bon amas de peuple qui regardait à distance ce qu'on traînait ainsi sur le pavé vers le gibet, car c'était la mode du prévôt Tristan aux exécutions. Il avait la manie d'empêcher les curieux d'approcher. Il n'y avait personne aux fenêtres. On voyait seulement de loin, au sommet de celle des tours de Notre-Dame qui domine la grève, deux hommes détachés en noir sur le ciel clair du matin qui semblaient regarder. Henriette Cousin s'arrêta avec ce qu'il traînait au pied de la fatale échelle et, respirant à peine tant la chose la pitoyait, il passa la corde au cou adorable de la jeune fille. La malheureuse enfant sentit l'horrible attouchement du chanvre. Elle souleva ses paupières et vit le bras décharné du gibet de pierre étendu au-dessus de sa tête. Alors, elle se secoua et cria d'une voix haute et déchirante « Non, non, je ne veux pas !» La mère, dont la tête était enfouie et perdue sous les vêtements de sa fille, ne dit pas une parole. Seulement, on vit frémir tout son corps et on l'entendit redoubler les baisers sur son enfant. Le bourreau profita de ce moment pour dénouer vivement les bras dont elle étreignait la condamnée. Soit épuisement, soit désespoir, elle le laissa faire. Alors il prit la jeune fille sur son épaule, d'où la charmante créature retombait gracieusement pliée en deux sur sa large tête. Puis, il mit le pied sur l'échelle pour monter. En ce moment, la mère accroupie sur le pavé ouvrit tout à fait les yeux. Sans jeter un cri, elle se redressa avec une expression terrible. Puis, comme une bête sur sa proie, elle se jeta sur la main du bourreau et le mordit. Ce fut un éclair. Le bourreau hurla de douleur. On accourut, on retira avec peine sa main sanglante d'entre les dents de la mère. Elle gardait un profond silence. On la repoussa assez brutalement et l'on remarqua que sa tête retombait lourdement sur le pavé. On la releva, elle se laissa de nouveau retomber. C'est qu'elle était morte. Le bourreau, qui n'avait pas lâché la jeune fille, se remit à monter l'échelle.